Qui veulent nos pots, qui nous envoient un message. Biche puis l'oseille, ici y'a que des aïas. Puissant comme un super saiyan, je ferme et tu n'es plus me barrer au saillir. Biche fais la malade, bébé m'appelle pas, je suis pas là. Je cherche pas, elle est pas là. M'accuse à l'aime sur la beta. Allô, je suis pas là, bébé, je suis pas là. Je fais la malade, m'accuse à l'aime sur la beta. Oh, c'est ta malade, faut pas hésiter. Ouais, fais ta malade, faut pas hésiter. Qui aura le PA? Dégaine ta CB. Sors les billets. Les billets.